tribune, c'est la passion qui unissait dans le son. Ne se pose pas de questions, tant qu'on est là, là, là, là, c'est bon. Un jour, il a fallu que les éléments se rendent compte. La terre passait son bras gris-ciel sans s'en rendre compte. Une graine passait par là et un tournesol poussa. C'est le milieu du champ, le vent dure dans sa voix. Face et casse le face à face, du là décrase. C'est que veux-tu qu'on fasse? C'est la route vers demain, c'est l'amour que tu crois être le tien. Tout était beau, les oiseaux chantaient l'air repoussé. Les champignons aussi sous un ciel sans pluie, le tout dans l'harmonie. La terre était belle, telle qu'elle apparaissait à l'extérieur. Dans cette plaine déserte, je dis foulée par l'homme. On n'a pas tout vu et on n'a pas tout dit. On sait qu'ensemble on pourra plus et qu'entre nous c'est fini. Est-ce que c'est parce qu'on a grandi qu'on continue à faire du son? C'est beau si le vers, ça reste inscrit. Et bien sûr que je t'aime au fond. Mais il faut se rendre, le jour ne dure pas quand les nuages pleurent. L'automne fait à l'arrivée, disparaît le jeu, perdit la fleur. Et là, il se tourne au sol, sa chance peut se mesurer. Se tournant vers le sol, d'où il partirait. Dans toutes les histoires, ça part en vie, tu peux me croire. Pas sur la même longueur d'onde, des blas, les soucis qui abondent. Hélas, dans la boue, traîne le regard qui cherche l'amour. La planète pourrie avec l'homme, et c'est de ses concours. L'espoir de regarder le soleil en face fait court. Mais peut-être vivra-t-il la cour en un seul jour. Y a des gens qui veulent pas qu'on s'attache à eux. Qu'on continue à faire du son. C'est qu'au silver ça reste inscrit. Et bien sûr que je t'aime au fond. On n'a pas tout vu et on n'a pas tout dit. On sait qu'ensemble on pourra plus. Et qu'entre nous c'est fini. Est-ce que c'est parce qu'on a grandi qu'on continue à faire du son? C'est qu'au silver ça reste inscrit. Et bien sûr que je t'aime au fond. Qu'on continue à faire du son, c'est Go Silver. Ça bien été classe, bien sûr que je t'aime au fond. Un Silver, je m'en souviendrai toute ma vie de ce morceau. Bah, surtout, moi je me souviendrai de tous ceux qu'on a fait ensemble. Oui, mais enfin, surtout ceux qui parlent de nous. Bah, c'est ce que j'entendais par là. Quand c'est la fin, c'est la fin. Ouais, mais bon, après la fin, il y a toujours un recommencement. Non, non, non, Silver, je te dis quand c'est la fin, c'est la fin. Bah allez, Jésus l'avait ressuscité, lui. Mais non, je te dis, quand c'est la fin, c'est la fin. Ouais, bon. Bon, on se voit demain. Ok.